sont entassés dans mon équipe touchée. 17 et l'équipe de l'or. Les poumons qui réclament du sport. Des filles qui pillent dans les faubourgs. Des politiques et des pourris, des vieux fous. Tous ceux qui nous assomment. Des paroles dans ta musique qui parle.